Vous écoutez Futur Simple sur les ondes de CKRL au 89.1 et on va poursuivre dans la veine de la communication scientifique. Ce printemps, l'agence Science Presse a lancé une campagne sur le journalisme scientifique et cette campagne se poursuit maintenant avec une campagne de socio-financement pour engager un détecteur de rumeurs. Alors, on en parle avec Brit Pochet qui est journaliste scientifique et coordinatrice de cette campagne. Bonjour Brit. Bonjour Valérie. Alors Brit, commençons par le début. La campagne hashtag sans la science, tel que c'était son petit nom, qu'est-ce que c'est? Alors sans la science, en fait, c'est 101-00 pour quand même le faire chiffre, un petit jeu de ouais, mots aussi. Ouais. Donc on a sollicité 100 personnalités de différents milieux, donc des milieux artistiques, entrepreneuriales, scientifiques un petit peu et communication aussi, mais donc toutes des gens, en fait, on leur a demandé de dire selon eux en quoi est-ce que le journalisme scientifique était pertinent, comme pour en fait montrer c'est pourquoi est-ce que le journalisme scientifique est important dans la société, c'est quoi son rôle. Mm-hmm. Et donc, ces déclarations, on peut les voir où? On peut les voir tout ensemble sur le site de l'agence Science Presse. Donc si une fois sur le site, c'est assez facile de voir le bandeau sans la science. Mais sinon, on en publie deux par jour sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram, sur Facebook et sur Twitter. Donc c'est assez facile de suivre la campagne comme ça. Donc aujourd'hui, on avait Yannick Marcille et Jean-Martin Haussan. Ah oui. Dans les jours précédents, on a eu Christiane Ayotte qui est à l'UNESCO. On a eu Égide Royer, si je me souviens bien, il y a quelques jours aussi. Il me semble que j'ai vu les Cowboys Fringants aussi. J'ai pas bien entendu. Il me semble que j'ai vu aujourd'hui les Cowboys Fringants, aujourd'hui ou hier. Oui, c'est possible. Oui, oui. Et puis, en fait, il faut dire aussi qu'ils sont chaque déclaration est accompagnée d'un dessin. Oui, oui, bien sûr. Donc, en fait, c'est le dessinateur Jacques Goldstein, donc le dessinateur des débrouillards, en fait, a mis en scène les personnalités qui nous ont donné toutes ces déclarations avec leurs déclarations. Donc, il s'est inspiré soit de la personne, soit de la déclaration, soit un petit peu des deux, pour faire vraiment de très, très beaux dessins. Donc, c'est une campagne qui se veut très ludique, en fait, qui veut rejoindre les gens, en fait, monsieur et madame tout le monde. C'est beaucoup ça qui nous a été dit, en fait, c'est que c'était le fun parce que tout le monde peut se retrouver dans un dessin, quoi. Et alors maintenant, pour poursuivre cette campagne-là, il y a la campagne de socio-financement pour engager un détecteur de rumeurs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, détecteur de rumeurs? On parle de quelles rumeurs, en fait? Alors, on parle, donc c'est l'agence Science Presse, donc on parle d'agents de rumeurs de type scientifique. Donc, par exemple, les ananas guérissent le cancer, c'est pas tout à fait vrai, enfin, c'est même complètement faux. Il y a une dame qui a prétendu aussi s'être guérie du cancer en mangeant des aliments naturels. En fait, elle a jamais eu le cancer, donc c'est normal si elle a, entre guillemets, guéri. Ouais. C'est ce genre de rumeurs-là, en fait, qu'on veut aller défaire, parce que ce sont des articles qui se partagent facilement sur les réseaux sociaux. C'est comme des choses qui sont waouh. Et puis, la science, c'est rarement noir ou blanc. Donc, ce dont j'ai parlé là, c'est carrément faux. Mais parfois, il y a des choses qu'on peut penser que ce sont des rumeurs, puis qu'en fait, non, c'est vrai. Et puis, il y a aussi toute une zone de gris où c'est pas tout à fait vrai. Il y a certaines parties qui sont vraies, il y a certaines parties qui sont fausses. Donc, et c'est pas facile de savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux dans ce qui est dit, parce qu'il faut quand même aller creuser un peu plus loin, et c'est ça qu'on se propose de faire avec le détecteur de rumeurs. C'est-à-dire que la rumeur, finalement, c'est l'agence Science Presse qui va dire là il y a telle rumeur, et qui va dire à un journaliste de décortiquer l'affaire. Oui, c'est soit l'agence qui fait une veille sur les choses qui se passent sur les réseaux sociaux ou sur les rumeurs de type scientifique, et puis qui va engager un journaliste pour le faire, mais ça peut aussi être le public. Donc, les gens qui participent à la campagne de sociofinancement peuvent faire partie d'un comité de rédaction. Puis, quand ils voient quelque chose passer sur Internet, puis ils sont comme, ça n'a pas de bon sens, ou bien, ouais, mais je comprends pas tout, il y a quelque chose qui cloche, ils peuvent venir nous dire, moi, j'aimerais que vous regardiez un petit peu là-dedans, qu'est-ce que c'est, d'où est-ce que ça vient, pourquoi, qu'est-ce qui se passe, puis que nous, en fait, on va enquêter là-dessus. D'accord. Et donc là, là-dessus, les armes, les outils du journaliste scientifique pour faire ça, c'est qu'il va être capable, bon, d'aller interroger des scientifiques sur le sujet, de lire des articles scientifiques et de voir les fondements. Comment il va faire par rapport pour discriminer justement le vrai du faux? Ben, il y a en partie effectivement d'aller poser des questions aux chercheurs, puis pour ça on a vraiment plein de chercheurs au Québec qui sont très qualifiés, puis qui sont très avides aussi de partager leurs connaissances. Et il y a, comment dire, le développement de l'esprit critique. Donc justement d'aller chercher les sources, d'où est partie la rumeur. Parce qu'il y a des fois en fait où on se rend compte que un article c'est un copier-coller dans différents sites qui font des machines à clics entre guillemets. Oui. Donc après ça il faut quand même aller voir ok c'est qui la source, qu'est-ce qui est parti avec ça, puis aller poser la question à la source parce que parfois la source, ben c'est ce que fait l'inspecteur viral par exemple quand il y a eu le soi-disant le bébé dauphin qui avait été tué par des touristes. Ben, en fait le bébé dauphin il était déjà mort avant que les touristes prennent en photo. Ben c'est la première personne qui a pris une photo, qui l'a mis sur, il a été cherché, la première personne qui a mis la photo sur les réseaux sociaux en disant oui mais c'est quoi qui s'est passé. Donc c'est de remonter à la source pour voir comment que ça s'est construit finalement cette rumeur, et ensuite d'exercer un petit peu le jugement critique du journaliste scientifique, puis d'aller questionner à ce moment-là des sources scientifiques pour des experts pour avoir un autre regard. D'accord. En fait parce que parfois, ça peut être des anecdotes, donc qui concernent juste une personne, mais qui quand on le remet dans la population en général, ben ça arrive qu'il y a des exceptions. Il y a toujours des choses exceptionnelles qui se passent, mais c'est toujours important aussi de les remettre en contexte. Mmh. Ça, c'est le travail du journaliste, en fait, de remettre ça en contexte. Mmh, d'accord. Donc, comment ça se passe maintenant pour cette campagne de sociofinancement? On en est où? Alors, la campagne de sociofinancement, elle se passe donc sur Indiegogo. Et puis, on en est à 83% je pense, du financement de l'objectif initial qui était de 5 000 $. Donc là, on a dépassé les 4 200. Mm-hmm. Donc ça, c'était notre objectif initial donc pour faire 8 articles dans l'année. Mais si on dépasse les 5 000 $, ben, on a d'autres idées. Donc, parce qu'on sait que sur les réseaux sociaux, ce qui se partage vraiment bien, c'est les images, c'est les vidéos. Oui. Donc avec plus d'argent, ben c'est ça qu'on irait viser. En fait, on irait viser même en priorité des petites vidéos pour les rendre aussi virales, donc avoir de la vraie science virale à la place de des rumeurs virales, et puis des infographies, donc des choses qui parlent vraiment aux gens. Et notre but aussi, c'est vraiment de rendre ça accessible aux gens, donc accessible aux personnes qui restent sur internet, puis voir qu'est-ce qui se passe. Ok, là j'ai une bonne source fiable, c'est l'agence Science Presse, mais l'agence, donc, qui est une agence de presse, donc, qui fournit de l'information aux médias traditionnels, donc, les magazines, la radio, la télé, etc., ben, elle aimerait aussi proposer ça gratuitement, au moins au début, là, pour, justement, que les gens que les médias s'en servent et puis que ça se diffuse beaucoup dans la population. Donc en fait, c'est que le détecteur de rumeurs va être comme un vérificateur de faits, comme on le voit dans d'autres domaines. C'est exactement ça. C'est un vérificateur de faits, mais dédié à la science. Ouais. C'est le premier qui existe en science et donc le premier en français pour la science. D'accord. Donc, si les auditeurs sont intéressés par ce genre de projet, donc en fait qui fait office d'utilité publique, puisque on veut servir la population en démystifiant les âneries et autres qui passent sur internet et ailleurs, ben ils peuvent facilement contribuer en allant voir sur la page Indiegogo hashtag sans la science. Ça se trouve assez facilement. Donc hashtag sans la science, et 100 c'est 100 la science. Exactement. Voilà, d'accord. Eh bien, à ce moment-là, on va souhaiter la meilleure des chances à cette campagne parce que, effectivement, un vérificateur de faits est certainement autant nécessaire en science que dans d'autres domaines. Oui, ben, en tout cas, en politique, c'est pas mal la mode, et puis les gens ont plus confiance dans les sites de vérification des faits que dans les sites de médias traditionnels. Oui. Parce que c'est comme on leur montre, tu sais, comment est-ce que c'est fait, puis d'où est-ce que ça vient, puis ils aiment vraiment ça. Oui, donc on va souhaiter justement la meilleure des chances pour que le public ait aussi un vérificateur de faits scientifiques. Voilà. Alors, merci beaucoup, Britt. Et puis, merci beaucoup à vous. Et puis, peut-être qu'on aura l'occasion de reparler de cette campagne de sociofinancement et de mettre en évidence le travail fait par les détecteurs de rumeurs. Alors, merci beaucoup, Britt. Merci, au revoir. Alors, nous étions en compagnie de Britt Pochet, qui est journaliste scientifique et coordonnatrice de cette campagne sur le détecteur de mensonges à l'agence Science Presse. On fait une petite pause musicale sur CKRL et au retour, on vous propose de réunir Science et Bière.